On a pas eu le temps de passer des bons moments. Pour nous c'était soit la rue ou soit on se vautrait à tout moment. On a choisi le showbiz pour montrer qu'on pouvait être présent. On s'est pressé de presser, mais arrivé là on est bien présent. Même si on a galéré, on est bien dans les galeries. Tout est sorti de ma poche et nos proches ont été de galerie. Le 19 c'est ma section, tu sais où me trouver. Hades son mic, c'est le scène, c'est des phases et je vais te le prouver. Mon éternel amour c'est le mic et il m'a jamais trempé. Même si à 30, vous êtes cherche pas, t'auras ta trempé. Je me rappelle d'une époque où j'étais avec ma femme, rêvé de fonder famille, mais j'ai choisi le microphone. J'ai laissé les goumages pour passer directement au boomer. Le fait de savoir que ma voix était présente m'a rendu plus mûr. Au plus marre, mon seul rêve c'était de franchir le mur du bonheur et de bonheur pour éviter les lignes de mire. A jamais gravé dans mon cœur ceux qui m'ont dit bravo. Inch'Allah, ya Allah, qu'on finira sur liste de bravo. Pour le pire, sachant qu'il n'y a pas de meilleur, on conspire. Pire, dire qu'on en transpire ne serait pas mentir. Faut bien consentir, déjà qu'on s'entende, que chacun respire. Concentré, on espère, fort d'esprit, on se prépare. Y'a trop de mépris, beaucoup veulent qu'on se sépare. Certains plient pour qu'il y ait pire, mais malgré tous ces ports, on reste fort, fier de faire ce qu'on fait, on a la preuve. Privé de rêve, toujours mis à l'épreuve. Sans cesse obligé de prouver, dur de trouver son chemin. Pas facile de s'y retrouver, on sait que peu de gens nous approuvent, c'est pour ça qu'on est saoulés. On est comme deux frangins, repentissant un destin. C'est vrai qu'on se teste, mais on vient de l'Est. C'est ce qui fait le festin, ce qui fait la force. En plus forcé à faire même boulot. Je vois d'ici bouger des boules, à croire qu'on est un boulet. On se trimballe, mais extra habile. Au mic, j'échange contre un boule. Une banane, elle un bonhomme, en embarquant deux ou trois boules. Vivre, c'est pas ta balle, si t'es comme moi, t'as pas de bol. Si tu savais combien de scars là sont prêts à nous livrer bataille. En autoproduction, on a réussi à s'en sortir, mec. J'ai oublié des faces pour pas donner mes fesses et je m'en moque. Des gens manquent, mais ils ont choisi leur vie comme à la mienne. Ils se souviennent positif, il revient, ça avec la règle. La rime, l'air, mes textes, flow, un taf personnel. Non expert, avance aux 12 frères, n'a pas besoin de zèle. Pour défense sur ce plan, dans ce milieu. Viager pour rêve, pour percer, écarter 4 rêves, on fonce les. Si c'est pas un tir, c'est pas de chance, pas trop venge. Range qu'une fois lié, croix, y'a qu'une fois ma foi. Pistonné ou dîner jusqu'au bout, il faut que je fonce. Rouille après, on fonce. La vérité est lance, ma blessure, on pisse, fils, pas drôler. Dommage, je l'ai mérité, harcelé, râler dessus, du rapé, je me suis mêlé.